affiche lourd, ta lyre, ta lourd, la flamme affiche lourd. Et roule ta bosse, ton père est bossu, sa fesse, frère, j'ai marché sur sa bosse. Et roule ta bosse, ton père est bossu, sa fesse, frère, j'ai marché sur son cul. Fais-nous crédit, on te paiera tous un samedi. Si tu veux pas payer à boire, on va te choler dans ton comptoir. À la figure, tout le monde en dure. Le plus vénard, c'est Copinard. Il rentre tôt, il rentre tard. Il a toujours son verre pinard. Et roule ta bosse, ton père est bossu. Ça fait j'ai marché sur sa bosse. Et roule ta bosse, ton père est bossu. Ça fait j'ai marché sur son cul. La la la la la. Et là, on va libérer les arbres. Allez. Parce que j'ai...